L'Association d'études des droits de l'homme de Corée a publié le 23 un questionnaire ouvert à l'adresse de l'ONU à la suite de l'adoption du projet de résolution sur les droits de l'homme du Nord le 15 dernier à la troisième commission de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En voici le résumé. Les États-Unis, certains pays de l'Union européenne à leur remorque, les réactionnaires japonais et autres pays ont de nouveau adopté un projet de résolution sur les droits de l'homme au Nord de la Corée. C'est l'atteinte à la souveraineté impardonnable contre notre République et un attentat étatique grave visant le renversement de notre régime. Surtout les États-Unis et les pays satellites ont mis en cause à tort et à travers le prestige suprême que tous nos militaires et civils considèrent comme l'ensemble de la vie, du sort et de l'avenir. Il s'agit d'une provocation sans précédent digne d'être châtiée de façon résolue et impitoyable. Ce faisant, l'Association d'études des droits de l'homme de Corée se montre indigné à l'attitude injuste de l'ONU qui a adopté la résolution arbitraire en s'ingérant aux affaires d'un État prestigieux et souverain sous la baguette des forces hostiles à l'égard de la République populaire démocratique de Corée, sans aucune visite aux pays intéressés et sans égard à la nature de l'institution internationale prestigieuse, et lui propose des questions ouvertes suivantes. 1. L'ONU connaît-elle l'éblouissante réalité de notre République, où les masses populaires travailleuses ordinaires exercent le droit politique authentique, critère essentiel des droits de l'homme, comme maître de la société? 2. L'ONU connaît-elle que notre République privilégie les intérêts du peuple et converge toute sa force à l'amélioration de sa vie, en dépit des embargos et pressions continues des États-Unis et des pays antagonistes? 3. Est-ce que l'ONU sait que notre République garantit et réunit réellement tous les droits de l'homme véritables, comme ceux à l'étude, aux soins médicaux et au travail? 4. Est-ce que l'ONU sait que la profanation grossière de notre prestige suprême constitue une provocation sans précédent impardonnable contre nos militaires et civils qui produira des représailles et châtiments sans pitié? Finalement, l'Association d'études des droits de l'homme de Corée souligne que l'ONU ne doit pas éviter d'y répondre.